Soir d'hiver par Émile Nelligan, enregistré pour LibriVox. Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai. Tous les étangs gisent gelés, mon âme est noire, où vis-je, où vais-je? Tous ces espoirs gisent gelés, je suis la nouvelle Norvège, d'où les boulons ciels se sont allés. Pleurez, oiseaux de février, au sinistre frisson des choses. Pleurez, oiseaux de février, pleurez mes pleurs, pleurez mes roses, aux branches du genévrier. Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à toute l'ennui que j'ai. Fin du poème, enregistré par Andréane Granger. Cet enregistrement fait partie du domaine public.